regard perdu dans l'horizon. Comment vais-je vieillir? Verrai-je mes petits-fils, mes petites-filles? Le bonheur à quel prix? Quel risque devra-t-on prendre pour survivre? Au fond, je sais que ma mort sera plus douce que ma vie. Alors je m'entête ce soir, je me renferme. Comment les rendre fiers? Trop de questions dans ma tête. Je pense à mes frères, à mes sœurs, à ceux qui dans mon cas désespèrent. J'espère un signe, un geste, un regard complice. La joie du travail accompli, rien de compliqué. Quand la chance se présente, prends-la. Je prends de l'âge, je veux prendre le large. Je suis pas un fils de l'âge, lâchez-moi. Dans ma tête, c'est la guerre comme sur terre, tu me diras. J'avance en esquivant les balles, les tentations du diable. Je m'attache à cette vie, oui, je m'y suis fait. Avec le temps, je suis devenu tendre, mais j'ai toujours la bouche en sang. J'avance, mais j'oublie pas. Ce soir, le tonnerre gronde à chacune de mes phrases. Je suis en phase avec le ciel, en accord avec mon âme. Je me mens pas, c'est le principal, mais mon bonheur s'est pris une balle dans la tête. L'impression d'exister sans m'avoir vu naître. Les joies et les peines sont des sentiments vraiment proches. On me fait souvent le reproche d'être trop moi-même. Alors oui, des fois je choque et je me moque de cette vie absurde. Je regarde le monde d'un œil de bœuf. Derrière ma porte, je me sens mieux. Respirer, espérer être heureux, même si la vie fait des bleus. Pas le temps de jouer les faibles, ces douleurs nous assemblent. J'ai essuyé sans pleurs, ce soir il pleut sur ma feuille. J'ai toujours pas fait le deuil. L'œil humide, souvent je parle aux cieux, le cœur glacé. J'avance dans la névrose, au fond je me dis que personne ne pourra comprendre mes échymoses insoutenables. Pas sortable, je suis une sorte d'arme explosive. Je raconte ça, du sang sur les gencives, des balles dans les rétines. Comment vais-je vieillir? Verrai-je mes petits-fils, mes petites-filles, le bonheur à quel prix? Hein? Qui pourra comprendre mes échymoses?